chapeau devant personne. Maintenant j'ai rompu, j'ai fait les beaux. Quand elle me sonne, j'étais chien méchant, elle me fait manger dans sa ménoque. J'avais des dents de loup, je les ai changées pour des quenades. Je me suis fait tout petit devant ton poupin qui ferme les yeux quand tombe la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. J'étais dur à cuire, elle m'a converti la fine mouche. Et je suis tombé tout chaud, tout rôti contre sa bouche. Qui a des dents de lait quand elle sourit, quand elle chante. Et des dents de loup quand elle est furie, qu'elle est méchante. Je suis fait tout filet tout doux sous son empire. Bien qu'elle soit jalouse au-delà de tout et même pire. Une jolie pervenche qui m'avait paru plus jolie qu'elle. Une jolie pervenche un jour a mouru à coup d'ombrelle. Je me suis fait tout petit devant ton poupin qui ferme les yeux. Les somnambules, tous les mages m'ont dit sans malice. Quand ses bras en croix, j'ai subi vraiment dernier supplice. Il en est des pires, il en est des meilleurs, mais